deuxième volet de notre série sur l'histoire du ciel dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, le documentaire. Dans notre émission d'hier, nous avons évoqué dans notre histoire du ciel ce que l'aviation avait permis à ses pionniers, découvrir l'histoire de la Terre vue du ciel par l'archéologie aérienne, mais aussi la transformation de la guerre par l'invention des bombardements aériens autour de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, dans le documentaire de William Irigoyen et Véronique Samuilov, nous vous proposons de découvrir l'aventure étonnante de ces cadets français de l'Oncle Sam qui partirent en 1943 pour beaucoup d'Afrique du Nord tout juste libéré pour les États-Unis, où ils se formèrent au pilotage et à tous les métiers de l'aviation dans le but de participer aux combats aériens en Europe et dans le Pacifique. William Irigoyen a retrouvé les vétérans de cette histoire vieille de 75 ans et recueilli leurs témoignages jusqu'à 10 heures dans la fabrique de l'histoire, les cadets français de l'Oncle Sam. Mon nom est JRF, assez difficile à prononcer. Mon prénom est Louis et je suis né dans la commune de Carthage en Tunisie le 22 janvier 1926. Eh bien, je m'appelle Louis-Jean Joux. Je suis né le 17 février 1916 à Tunis. Alors, Girard et Georges, et je suis parti de Casablanca à bord d'un Liberty Ship. Et on est arrivé à New York, et ensuite de New York, on a débarqué et on est descendu vers le sud de l'Amérique. Les cadets français de l'Oncle Sam, un documentaire de William Irigoyen et Véronique Samuilov. Je m'appelle Jean, mon nom de famille c'est Frangos, F-R-A-N, comme le début de France. Dans les années 40, moi, j'étais en Tunisie. Vous voulez que je vous dise comment ça s'est passé pour moi? D'avril 1943 à fin 1945, des jeunes Français en âge de se battre sont envoyés aux États-Unis. Originaires d'Afrique du Nord, dans leur très grande majorité, ils vont suivre, outre-Atlantique, une formation de pilotes. Si l'Amérique les accueille, c'est parce qu'elle a besoin de forces supplétives, capables de lui prêter main forte dans sa lutte contre l'Allemagne nazie, mais aussi et surtout contre le Japon impérial. Le contingent français sera le plus important après celui des Britanniques. Sur les 4084 cadets, 1339 obtiendront leurs ailes, le diplôme de pilote. Les autres deviendront navigateurs, mitrailleurs, mécanicien radio ou encore spécialiste photo. Cette expérience américaine va bouleverser l'existence de tous ces héros pourtant oubliés. Leur histoire, la voici, elle commence il y a 75 ans. La décision fut prise le 22 juillet. Churchill avait persuadé Roosevelt d'ouvrir un second front en Afrique du Nord. J'ai 16 ans et le 7 novembre, à minuit, en sortant du cinéma, avec mes parents, on trouve par terre le tract annonçant le débarquement des Américains. Et le 8 novembre au matin, l'opération Torche est en cours. Et donc, à partir de 6 heures du matin, la canonnade a commencé. Les gros cuirassés américains qui étaient au large de Casablanca ont commencé à tirer sur le port, et comme les sirènes ont sonné, je me suis tout de suite habillé, le casque, le brassard, tout ça. Ma mère ne voulait pas me laisser partir. Alors j'ai rejoint le PC et là j'ai été affecté sur une ambulance. 204 navires ont amené sur les plages marocaines 20 000 hommes et 1700 véhicules. Malgré une surprise totale, il fallut tirer le canon. À Oran, où sont parachutés des hommes, les circonstances sont analogues. Il en ira autrement d'Alger. L'arrivée des Alliés y avait été préparée par des résistants groupés à la suite de l'appel du 18 juin, qui se rendirent maîtres des points clés de la ville. Cette action a notablement aidé le général Eisenhower à réussir l'opération Torch, qui amèneront bientôt aux côtés des alliés les forces françaises d'Afrique du Nord. Un nouveau front était créé. Après le débarquement des Américains, le 8 novembre 1942, il y a eu à Casablanca la fameuse conférence d'Anfa, en janvier 1943. Georges Girardet, 20e détachement. Et à cette conférence d'Anfa, il y avait Roosevelt, Churchill, De Gaulle et Giraud. Et c'est là où a été décidée la réorganisation de l'armée française en général, et en particulier de l'armée de l'air. Et les Américains ont dit, nous vous donnerons du matériel moderne, à condition que ce matériel-là soit piloté par des gens que nous allons former. Et c'est comme ça qu'a été créé, dès le premier trimestre 1943, le CFPNA, alors CFPNA, Centre de Formation du Personnel Navigant en Amérique. Il a été créé à Alger, et après il a fallu organiser l'arrivée des Français sur toutes les bases, à droite, à gauche. À la fin de l'été, Jean Frangos, 11e détachement. Le gouvernement français qui avait été placé à Alger, à ce moment-là, a décidé de prendre tous ces jeunes qui étaient en âge de se battre. Eh bien, ils ont pensé à nous, et nous avons reçu une convocation. Et c'est là où j'ai rencontré tous les jeunes qui étaient dans mon village à Saxe. Ah tiens, à quel endroit vas-tu, à quel endroit vas-tu? Donc nous avons rejoint nos bases. C'était des paillasses par terre. On pouvait voir les punaises circuler. On pouvait voir les puces sauter, surtout quand elles entraient dans nos oreilles. Voilà, c'est ça. C'était ça l'armée française. Donc, j'ai été voir le lieutenant, je lui ai dit, écoutez, ça ne peut pas durer cette histoire-là. Alors il m'a dit, justement, on demande des gens dans l'aviation. Alors je lui ai dit tout de suite. Et c'est comme ça qu'on m'a envoyé à Blida. C'était surtout le camp de l'aviation d'Algérie, qui était à une trentaine de kilomètres à l'ouest, je crois, d'Alger. Et c'est là où j'ai retrouvé l'un de mes amis sfaxiens que je connaissais bien. Il s'appelait Yeri Goyen. Nous nous sommes retrouvés donc à Blida. Lettre de Gérard Yeri Goyen, 11e détachement. Bien chère maman, j'ai retrouvé Jean Frangos et d'autres de chez nous, tous volontaires. Ça me rappelle un peu le pays. J'imagine que Sfax se remet peu à peu de ses démolitions. Je n'ai pas encore passé cette fameuse visite du personnel navigant. Cela a été reporté. Il me tarde de savoir si je suis bon ou pas. Nous sommes tous dans cet état. Allez, chère maman, je termine car il se fait tard. Je te quitte en t'embrassant de tout cœur. Ton fils, Gérard. Après avoir passé, disons, un mois, on nous a envoyés au camp Cazès à Casablanca. Alors, on nous a dit, vous êtes ici en tant que personnel navigant, et nous allons vous envoyer soit en Angleterre, soit aux États-Unis. Vous ferez partie du CFPNA. Et ceux qui avaient la première partie du baccalauréat serait automatiquement élève aspirant de réserve, sous-lieutenant, quoi. Et ceux qui n'avaient pas la première partie du bac seraient élèves sous-officiers. C'était peut-être un peu long à vous expliquer tout ça. Louis-Jean Giou, 4e détachement. J'ai été arrêté, moi, pour résistance, fait de résistance, et emprisonné à Tunis. Et libéré le 11 novembre. Libéré, c'est-à-dire on nous a ouvert les portes de prison, on s'est sauvé dans les rues de Tunis la nuit. C'était dangereux parce que les Allemands bombardaient Tunis. Et on a trouvé le dernier rotorail qui devait partir de Tunis. C'était le dernier engin qui a quitté Tunis en Algérie. J'ai rejoint donc l'armée de l'air et j'ai été muté à Casablanca. C'était le lieu de rassemblement de tout le personnel qui allait s'entraîner aux États-Unis. Alors on attend à Casablanca le départ du premier détachement disponible pour les États-Unis, de l'ordre de 175 personnes. J'ai fait mes classes à 8 km de Blida, dans une ferme réquisitionnée à l'époque, la ferme Lalande. Louis Xuéref, 18e détachement. Après 2 mois de classe, j'ai été expédié au CPPN à Casablanca. J'ai passé environ, je ne me souviens plus, 6 ou 8 mois. J'ai été acheminé ensuite sur Mersel Kébir pour m'embarquer à bord d'un Liberty Ship de Thomas W. Wide. Juste après le départ du bateau, j'avais un camarade, vous savez, dans l'armée, on a toujours un bon copain, là. Et le copain vient me voir en me disant, Georges, on est volontaire comme cuisinier. On va échapper aux autres corvées, et puis tu verras, ce sera très bien. En fait, les cuisines, c'était, vous savez, ces gros ballons en aluminium, dans lequel on déversait les boîtes de corned beef, etc., etc. On faisait chauffer ça à la vapeur, mais une fois que c'était fait, on ne faisait plus rien. Et alors, on n'avait rien à faire, moi, je me mettais sous la passerelle du radio. C'était encore la guerre. Et on avait encore autour de nous des torpilleurs américains qui nous protégeaient. C'était l'occasion de se défouler quand ils passaient à côté de nous. On leur faisait des bras d'honneur, tout ça. Enfin, on s'amusait, quoi. Hein. Et sur le bateau, ils nous ont, à tous, on était 140, ils nous ont distribué une cartouche de cigarettes. C'était des Old Gold. Avec ces cigarettes-là, on jouait au poker. Et elles étaient tellement triturées que, à la fin du voyage, elles étaient infumables. Lazy day, when spring and summer meet, lazy day. Bien chère maman, tout tombe à l'eau. Nous devions passer la visite du personnel navigant demain. Il y a eu contre-ordre. Les types qui sont venus après nous passent demain. C'est assez énervant de rester là et de ne pas savoir si oui ou non nous serons bons pour le personnel navigant. Ce sont là encore des procédés qui nous caractérisent particulièrement, nous, Français. Et toi, comment ça va? Fait-il toujours chaud? Est-ce que la maison reçoit l'eau maintenant et le courant électrique? Tu dois sentir les lieux bien vides. Je dois interrompre ma lettre. Le rassemblement vient d'avoir lieu. Je t'embrasse bien tendrement. Ton fils Gérard. J'imaginais les États-Unis au travers des premiers films qu'on avait déjà vus avant la guerre, avec les grandes vedettes, Laurel et Hardy, Bing Crosby, Fred Astaire, tous ces films américains. On connaissait la vie américaine que ça. Et donc, on était impatients d'arriver à New York. J'avais eu la chance de tomber sur un bon camarade qui parlait très bien l'anglais, qui s'était fait affecter comme secrétaire du médecin de bord. Au cours d'une visite médicale, dès les premiers jours, j'avais une petite conjonctivite. Alors, pendant que mes camarades étaient sur le pont à faire leur gymnastique, moi, je restais sur ma couchette à potasser l'anglais parce que on m'avait passé les brochures de l'école nord-africaine. En arrivant, je connaissais quelques éléments, suffisamment pour bien suivre les cours qui nous ont été donnés à la pré-flight de Craig Fillett. Vous savez, en temps d'hier, il y avait énormément de détritus sur l'eau, des restants de bateaux qui avaient été coulés. Et chaque fois, il y avait une sonnerie à bord. C'était l'alerte, quoi. C'était un bateau qui ramenait aux États-Unis des blessés de la guerre. Et on a été attaqué par des sous-marins. Et la défense de ces bateaux, c'était la vitesse. Alors, le bateau est parti à toute vitesse et a traversé l'Atlantique comme ça. Hi fella, where'd you come from? I came from North Africa. Salut, tu viens d'où? Je viens d'Afrique du Nord. Les aviateurs français arrivent d'Afrique dans un port américain. La guerre a commencé il y a 4 ans pour eux. Ils viennent aux États-Unis pour apprendre à voler sur de nouveaux appareils. On est passé à 7h du matin devant la Statue de la Liberté qui était noyée dans la brume. Nous attendait sur le quai une musique militaire. Bon, là, c'est vrai, quand les gens arrivent là. Et on était au pied des gratte-ciels. Il y avait des laveurs de vitres accrochés aux fenêtres, au 50e étage, et qui, voyant des militaires à bord d'un Liberty, pensaient tous qu'on était des prisonniers de guerre. Vous savez, à cette époque, comme toujours, du reste, l'armée française était la minable. Et en plus, en partant, ils nous avaient dit, les gars, en arrivant en Amérique, vous allez être équipés de neuf. Alors, par solidarité, ceux qui avaient des uniformes à peu près corrects, les laissaient aux copains qui ne partaient pas, et ont récupéré des guenilles à la place. Et après 17 jours à fond de cale, inutile de vous dire qu'on n'avait pas fié l'allure. Et c'est la première des choses qui m'a frappé, c'était de voir ces mecs accrochés au 50e étage des gratte-ciels, en train de nous saluer avec leurs torchons, comme ça. On nous a donné notre première paye américaine. Pendant ce temps, on attendait qu'on nous dise de mettre pied à terre. Et là, il y avait eu un accueil vraiment mémorable. Des tables avec des nappes blanches, avec des boissons, des friandises, des pâtisseries, des jeunes filles à cortes qui nous attendaient. Il faisait froid pourtant, et elles nous attendaient là depuis un bon bout de temps. Et une fanfare qui nous a joué l'air célèbre de Maurice Chevalier, Valentine. Elle avait de tout petits petons. Alors j'ai retrouvé ça en arrivant en Amérique, ça a été une joie. On est arrivé à New York. Là, c'était la débandade d'un groupe de jeunes Français lâchés dans New York avec un point de ralliement et une heure précise pour repartir dans le sud des États-Unis et s'entraîner véritablement sur des avions. C'était l'espoir de poursuivre des missions de façon à libérer la France. Il y avait un train qui nous attendait. Nous avons découvert les couchettes. Et puis nous sommes arrivés à Selma, en Alabama, le lendemain matin. Nous étions dans la région du Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, c'est terrible. On a vécu des scènes de discrimination raciale qui, pour moi, qui arrivais du Maroc, m'a laissé pantois. D'abord, white only. Hein. Alors ça, le white only, il y en avait partout. Les bus. Alors là, les bus, c'est là où on a eu le plus d'ennuis. Tout le bus était réservé aux blancs. Sauf la banquette arrière, qui était réservée aux noirs. Alors, à l'arrière, on avait souvent des femmes avec des enfants dans les bras qui restaient debout. Alors qu'il y avait des places libres dans le bus. Alors systématiquement, on se levait, on allait la chercher, cette dame. On la prenait par le bras, elle hésitait à venir, et on venait l'asseoir à la place des Blancs. Ça déclenchait chaque fois des bagarres à l'intérieur du bus. Les Américains ne supportaient pas de voir les Français agir de cette façon-là. Nous, Français, en Afrique du Nord, on ne traitait pas les indigènes de cette façon, pas du tout, alors. Mais ce qui m'avait choqué le plus, c'est qu'il y avait des églises pour les gens de couleur et des églises pour les Blancs. Ça je n'avais pas pu l'accepter. Je trouvais que c'était vraiment inadmissible. Bien chère maman, tout va bien. Je me suis, il me semble, déjà familiarisée avec la vie militaire et nous travaillons, plus exactement, nous nous instruisons en vue de temps futur. Tu n'as pas à t'en faire pour moi, surtout, je suis très bien ici. Nous avons été piqués samedi. Tout de suite après, il s'en est fallu de peu que je ne tombe pas dans les pommes. Je voyais tout jaune autour de moi. Il paraît que j'étais bien pâle. Après quelques mouvements de bras, je me suis rapidement rétablie. Je t'embrasse bien tendrement, ton fils, Gérard. November 1940. Bob Kane, historien. General Arnold, the chief of the Army Air Corps. En novembre 1940, le général Arnold, qui commandait la force aérienne américaine, a établi le quartier général du centre de formation de pilotes dans la ville de Maxwell. Essentiellement parce que, dans le sud-est des États-Unis, il est possible de voler quasiment toute l'année. Bien sûr, il y a des orages aussi et il arrive qu'il y ait du mauvais temps. Mais d'une manière générale, on a, à peu près toute l'année, une bonne visibilité. D'abord, on a commencé par nous prendre toutes sortes de mensurations et on passait dans un magasin rempli de marchandises, d'un préposé à un autre. Et là, on lui a équipé d'une tenue américaine d'été, d'une tenue américaine d'hiver, avec manteau imperméable, de blouson de cuir non fourré et un blouson de cuir fourré, des chaussettes, des chaussures de sortie et des bottines, et une montre, un bracelet montre. Et quoi encore? Et puis, on nous donne $20 d'argent de poche. Alors on s'est tous précipités vers le PX. Le PX, c'est ces magasins qui servent de ravitaillement, pour, etc. Donc on est allé au PX, et alors on a tout découvert de l'Amérique. 18 ans, je ne sais pas si vous imaginez, on n'a rien vu. On a commencé à acheter le chocolat, les chewing-gums, les si, padali, padala. Bref, c'était l'émerveillement. C'était pour nous le Père Noël. L'Amérique, c'était le Père Noël. We gave each prospective officer a reliable chambermaid, himself. No wrinkles in those beds. Tout futur officier se voit attribuer un camarade de chambre jugé fiable, lui-même. Rien à dire concernant ses lits. Couverture tendue pour y faire rebondir une pièce de monnaie, chaussures cirées et alignées, effets personnels rangés selon les critères en vigueur chez les cadets. Critères contenus dans ce manuel, la Bible des cadets. Aucune trace de poussière dans cette pièce. 7 heures de sommeil autorisées. Ceux qui dorment 5 heures ont de la chance, ils peuvent étudier. Pas de goutte d'eau dans les lavabos, robinets lustrés qui brillent. Les voilà, ces hommes, impeccables. Et puis on nous a mis dans des baraquements qui étaient très confortables pour nous. On découvrait des salles de bain. Les salles de bain étaient communes, les toilettes aussi étaient communes, nous étions les uns à côté des autres. Et ceci ne se faisait pas en territoire français. Ça nous a choqués au début, mais nous nous y sommes assez vite faits. Dès les premiers temps où j'étais arrivé à Sackfield, j'avais su qu'il y avait des vedettes qui recevaient des cadets, parce qu'on nous appelait des cadets là-bas, des cadets français. Et je me suis dit, si j'écrivais à quelques vedettes pour demander une photo dédicacée, et j'ai écrit à Dorothy Lamour, à Bette Davis et Shirley Temple, et à une comédienne canadienne-française, qui était très belle d'ailleurs, et qui m'avait envoyé une grande photo dédicacée également. J'ai gardé bien pour moi ces photos. Et j'en étais fier. The moon of Malakura filled the night with magic Polynesian charm. Crickfield, c'est là où arrivaient tous les détachements. C'était la base où on commençait. On va appeler ça notre première école, c'était le pré-flight. C'est-à-dire qu'on nous préparait au vol. Alors pendant un mois à deux mois, on avait des cours de radio, on avait des cours de navigation, on avait des cours de mécanique. Alors on faisait surtout la culture physique. La culture physique là-bas, c'était la PT, la physical training. C'était atroce. On avait des instructeurs américains qui nous surveillaient en permanence. Ils étaient sur des estrades et ils nous faisaient faire tout un tas de mouvements en cadence. Hop, hop, hop, oh, hop, hop, hop, oh, et tous les jours. Séance d'éducation physique pour cadets. S'entraîner pour développer sa musculature, pour être robuste et capable de remplir n'importe quelle mission. Les pilotes doivent devenir de vrais acrobates de cirque. Ils doivent apprendre à plonger dans des fleuves en flammes au cas où. C'est parce qu'il y a des cours comme ça que les pilotes formés aux États-Unis sont les meilleurs du monde. Ça, c'est ce qu'on appelait le pré-flight. Ben, on avait les cours au sol. Et les cours au sol, en permanence, on avait des tests. Et les tests pour partir en première école, donc commencer à voler sur un avion, il fallait avoir une moyenne minimum de 12. Donc, il fallait quand même s'accrocher. Et puis, la moitié des cours étaient faits en anglais. Et je vous ai dit, navigation, mécanique, radio, lecteur au son, c'était trapu. In terms of the French, the basic problem was the language. My research indicated. La principale difficulté pour les Français, c'était la langue. En faisant des recherches, je me suis aperçu que pratiquement aucun d'entre eux ne parlait anglais. Les écoles de pilotage ont donc dû traduire les méthodes d'apprentissage de l'anglais vers le français. Dans l'aviation, il y a quantité d'idiomes, de termes spécifiques. Eh bien, ils ont dû être traduits. Un mot sur les moniteurs. Certains d'entre eux avaient étudié le français à l'école, mais ils n'étaient pas suffisamment nombreux. C'est pourquoi le commandement général a engagé des traducteurs civils. Et du coup, quand il y avait un cours théorique dans une salle de classe, il y avait des traducteurs. Quand un instructeur parlait anglais, ses propos étaient traduits en français, et les questions en français posées par les cadets étaient traduites, à leur tour, en anglais. Tous ces allers-retours entre les langues augmentaient considérablement la durée de l'enseignement. Quand les Français sont arrivés, les Américains, les moniteurs, tout ça, se posaient tout un tas de questions. Ils sont comment, ces Français ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Bon, c'était ça le gros problème pour eux. Hein. Et en fait, tout s'est très bien passé, au point que non seulement les Français ont obtenu des résultats supérieurs aux cadets américains, et que deuxièmement, il n'y avait pas de différence entre un Français et un Américain. On avait les mêmes équipements, même combinaison de vol, même casque, même lunettes, aucune différence. Sauf que on était Français et qu'on ne parlait pas toujours l'américain. J'avais jamais mis les pieds dans un avion, pas seulement piloté, jamais pris l'air. Et le premier vol est mémorable avec le moniteur. Ça, je ne peux pas l'oublier. Il nous a fait monter à tour de rôle. Le moniteur était toujours devant et l'élève derrière. Il décolle, il nous avait prévenu qu'on allait avoir une surprise. Alors on décolle et puis tout d'un coup, il me fait un signe, un geste de la main, il me fait ça. Et j'ai compris qu'il voulait faire ce qu'il appelait une vrille. Et puis il me dit aux écouteurs, j'entends « spin ». Bon, ça va. Je me suis bien calé, et il entame sa vrille. Ouh là là, quel souvenir! Tout le globe tourné autour, on était tassé au fond du siège, on ne pouvait plus bouger, jusqu'au moment où il a redressé l'appareil pour remonter. Alors là, on a respiré. Puis arrivé à terre, il nous a expliqué pourquoi il avait fait ça. Il a dit, la vrille, c'est l'accident le plus grave qui pourrait vous arriver en vol. Alors, non, j'ai voulu vous montrer ce que c'était. Dès les premiers vols, je vais vous apprendre à vous mettre en vrille et à redresser une vrille. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Et c'est ce qu'il a fait. Il y a des cours au sol, de navigation, et puis des cours en l'air, sur avion, les PT-17. C'est Primary Training 17, un avion biplan. Votre moniteur vous faisait faire de l'acrobatie et autres figures de voltige. Et il faut qu'au bout de 7 heures de vol, vous soyez lâché, solo, seul. Personnellement, j'ai été lâché, donc j'ai été solo. J'ai volé, on me disait tu vas faire... Il était au sol, il me disait ce qu'il fallait faire, que je tourne, que j'aille à telle altitude, que j'aille vers le nord, vers le sud, que je ne perde pas de vue. La cheminée, il y avait une cheminée, c'était une usine quelconque avec une cheminée, donc ne perdez jamais. Et au bout d'un certain temps, moi, évidemment, alors que j'étais tout à fait à l'aise, J'ai voulu faire comme beaucoup ont fait, j'ai voulu faire du rasemot. Et c'est là où je suis rentré à la base avec mon coton dans les roues. Et on m'a dit, l'histoire de pilote s'arrête là pour vous. And you gradually let the nose get too high. You're in reasonably well-balanced flight, you get lots of warning. The nose looks too high. Durant la phase de décollage, il faut que le nez de ton avion s'élève, mais pas trop. N'oublie pas de constamment veiller à l'équilibre de ton appareil. Si tu montes trop vite, tu vas sentir que le moteur commence à fatiguer. Tire toujours plus sur le manche et regarde comment ton avion réagit. Quand tu ne peux plus prendre de l'altitude, tu vas faire ce qu'on appelle une vrille. Le premier vol solo, c'était un événement. Il y avait une coutume. On avait tous des lunettes, puisque c'était des avions découverts, on était en plein air. Là, hein. Mais les lunettes, tant qu'on n'était pas lâché, tant qu'on ne pouvait pas partir en vol solo, on n'avait pas le droit de les porter sur le front. On devait les prendre sur la poitrine. Et dès qu'on était lâché, on avait le droit de les porter sur le front. Alors, les copains, quand ils voyaient quelqu'un arriver avec les lunettes sur le front pour la première fois, s'emparaient du bonhomme et le passé tout habillé sous la douche. C'était une sorte de baptême. J'ai eu la malchance de tomber avec un moniteur qui avait la réputation de ne pas aimer les Français. C'était un moniteur d'origine suisse qui avait déjà éliminé deux de ses élèves. Alors, le premier vol avec ce moniteur, il me demande de faire une chandelle. Vous savez, on ne pouvait pas discuter avec les Américains. Hein. C'était le premier conseil que nous avait donné. Dites toujours « Yes, sir, yes, sir, yes, sir ». Je ne pouvais pas dire que je ne savais pas faire une chandelle. Bon, alors j'ai dit, mais je vais essayer de la faire, puisque je connaissais la théorie. Alors je commence à monter à la verticale, puis voilà, je m'aperçois que j'avais perdu de la vitesse. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et je ne savais plus ce que je devais faire. Alors, il n'y a qu'une seule chose, je vais me mettre en vrille. Je suis sûr de la rattraper, je sais la faire. Et c'est ce que j'ai fait. Il est devenu rouge. De devant, et il m'a fait signe d'atterrir. Il m'a dit, mais vous vous rendez compte ce que vous avez fait? Nous volions, je ne me souviens plus, je crois que c'était à 1000 pieds ou quelque chose comme ça. Vous avez perdu 800 ou 900 pieds, je ne sais pas. Et si nous avions volé à 800 pieds, combien de pieds sous terre on s'est retrouvé? Alors j'ai dû passer devant la commission d'élimination, qui m'a simplement informé que j'allais être redirigé vers le centre de reclassification de Maxwell Field. The elimination rate by the free French cadets, the English cadets, and the Americans was about statistically the same. Français, Américains et Britanniques ont eu globalement les mêmes taux d'échec au test de pilotage. French between the flight instructor and the student. Comme ils avaient du mal à communiquer, les cadets de la France libre et les moniteurs américains ont fait des gestes. Quand les instructeurs voulaient que l'apprenti pilote réalise une manœuvre, ils communiquaient avec leurs mains afin d'être mieux compris. Et les élèves ont dû apprendre toute la signification de ces gestes. Bon, moi j'ai eu de la chance. J'avais un moniteur américain très sympa. Le gars, il gueulait pas dans l'avion, tout se passait. Alors, il était quelquefois un petit peu brutal. Les coups de manche sur les genoux, vous savez, on avait des bleus aux genoux. Bon, mais ça, c'est classique, hein, si vous voulez. Et puis, bon, on avait à peu près 9 heures de double. On arrive au terrain un après-midi, et le moniteur américain me dit « You first ». OK, yes, sir. Bon, alors, j'étais le premier. Je monte dans l'avion. Le vol se passe à peu près normalement, 50 minutes, bon, vol classique. On revient, je redescends de l'avion, le moniteur me fait signe, me rappelle, et il me dit « remontez dans l'avion ». Et là, j'ai commencé à me dire « mon gars, tu vas faire ton dernier vol, il va t'éliminer ». Je monte dans l'avion, et il me dit « trois tours ». Ok, on fait trois atterrissages, catastrophique. Il me laisse pas tranquille. Il me contrait avec tout ce que je faisais. Il était pas content et je me demandais ce qui se passait. Alors, on revient au terrain. Il me laisse dans l'avion, moteur en marche. Et j'ai les copains qui viennent tout de suite autour de l'avion, me disant, il va te lâcher. Je dis, vous êtes pas fous. Et le moniteur revient en marchant tranquillement et il me dit, Are you ready for first solo? Et j'avais assez la mauvaise habitude de dire yes, sir. OK, let's go. Et puis je suis parti comme ça. Et puis j'ai fait mes trois tours, sans problème. Et quand je suis revenu au sol, il était parti. Les camarades m'ont attrapé, c'était la tradition, attaché à une chaise au milieu de la cour. Et pendant cinq minutes, la douche. On recevait les grands seaux d'eau sur la tête. Ah, bah oui, ça c'est classique. Alors, ceux qui étaient élèves aspirants de réserve et qui se faisaient éliminer là, on disait ça washed out, ça veut dire mis de côté complètement, pouvaient devenir soit bombardier, soit navigateur, soit radiotélégraphiste. J'ai choisi radiotélégraphiste. Armurier, ça ne me disait rien, et mécanicien non plus. On part en deuxième école, et il faut tout reprendre à zéro. Hein. On était les fortiches là-bas, maintenant on devient les bleus, hein, il faut tout repartir à zéro, et on change d'avion. On passe à la T6. Parce que le T6, par rapport au biplan, c'était autre chose. C'était un avion plus rapide, plus puissant, train d'atterrissage escamotable, le pas de l'hélice variable. Bref, ça devient un avion moderne qui nous prépare après aux autres. Voilà. Alors, on change de base, on reste en Alabama. Là, c'est l'Advanced School. Pendant 2 mois et demi, on va faire de la spécialisation chasse. Un entraînement poussé pour arriver jusqu'aux ailes, c'est-à-dire les ailes d'argent, les Silver Wings. On graduation day, Americans and Frenchmen get their wings together. Two flags, two peoples fighting side by side. Américains et Français reçoivent leurs ailes le même jour. Deux drapeaux, deux peuples qui combattent côte à côte. La famille d'Henri Chavagna vit en France, dans une ville qui a pour nom Rochefort. Les siens ne savent pas qu'il est breveté aujourd'hui. Henri ne sait pas si sa famille est en vie ou si elle est morte. Et il ne le saura que lorsque lui et des milliers d'autres auront contraint les fascistes à se rendre sans aucune condition. Il a fallu revenir en Europe. On était aux États-Unis. On a attendu à Norfolk le retour en Liberty Ship pour revenir en Afrique du Nord. On est arrivé en train jusqu'en Tunisie, où on a poursuivi l'entraînement en attendant d'être rapatrié sur la France pour aller combattre. On avait formé les équipages complets, pilotes, navigateurs, bombardiers, et mitrailleurs. Donc, à un certain moment, un avion est venu nous prendre et il nous a conduit à Bron, Lyon-Bron. Et là, on a retrouvé les groupes de bombardement sur maraudeurs. Moi, comme je venais de la résistance, avec mon équipage, on est allé sur le groupe Bretagne, groupe La France Libre. Le groupe Bretagne était le seul à posséder les avions avec une croix de Lorraine sur la carlingue. Alors, comment se passe une mission, le bombardement? La veille, il y a les ordres de commandement. On vous indique la navigation à poursuivre et vous attendez l'heure de décollage. C'est un peu stressant, en sachant qu'il y a 150 canons qui vont vous tirer dessus, hein. Mais dès que vous êtes dans l'avion, vous êtes complètement décontracté, vous êtes pris par votre pilotage. Les maraudeurs étaient des bombardiers de précision, de haute précision. Nos objectifs étaient des voies ferrées, des gares, très peu de villes, sauf Schweinfurt, où il y avait une usine de roulement à billes qui était au sein de la ville même. On a bombardé aussi la France. On a bombardé les poches de Royan. C'était occupé par les Allemands. Ils avaient des sous-marins, ils avaient beaucoup de marines. On a bombardé Royan. Ça s'est très bien passé. Ça avançait tellement vite, les troupes au sol, qu'on ne voulait pas lâcher les bombes sur les amis. Alors, quand même, pour se détendre un peu, nos supérieurs nous ont dit « Allez, prenez les avions, allez vous balader. » On avait la radio, hein, continuellement. Et c'est comme ça que j'ai entendu que le Reich capitulé le 8 mai 45. C'était un dimanche, figurez-vous. Et il y avait tellement de folie dans l'air qu'il y avait un match à Paris. Il y a un maraudeur qui a chassé un avion. Il volait tellement bas qu'il a fait voler un ballon. Les types, ils volaient n'importe comment, hein, à la fin de la guerre. faisait des acrobaties avec des maraudeurs. Ça se fait pas, ça. Il y avait une folie terrible. Et à partir de cette date, tous les avions alliés ont été interdits de vol. Tous les avions. C'était un épisode de la guerre pour les Américains. Pour eux, ce qui comptait, c'était la fin de la guerre. Et elle était loin d'être finie avec tout ce qui se passait encore en Extrême-Orient. Malgré la fin de la guerre, la guerre en Europe, hein, l'entraînement continuait parce que nous étions destinés à aller combattre en Extrême-Orient avec les Américains. On n'a pas eu l'occasion de le faire parce qu'un beau jour, on a appris qu'il y avait eu le lâcher de la bombe atomique sur Hiroshima. Et on a reçu nos ailes, nous, le 22 décembre 1945. Et nous, on a eu la chance d'être le dernier détachement à recevoir nos ailes parce que les pauvres camarades qui étaient derrière nous, ceux du 21e et du 22e, eh bien, ils n'ont pas fini leur entraînement. Ils sont rentrés en France sans avoir les ailes. Je ne suis pas resté aux États-Unis. Non, parce qu'à ce moment-là, il y avait un drame qui se produisait dans ma famille. On était sans nouvelles de mon frère, l'aîné, qui faisait partie du 1er bataillon de choc et qui avait débarqué à l'île d'Elbe. Et l'armée française, je peux le dire maintenant, s'est très mal comportée parce qu'elle a laissé ma famille dans l'ignorance de ce qui s'était passé. Il était déclaré prisonnier de guerre, alors qu'il était bel et bien mort pour la France. Alors je me suis dit, mon frère, ne revenant pas à la maison, ma sœur aînée décédée, je ne pourrais pas me permettre de rester aux États-Unis. J'avais la possibilité de devenir citoyen américain et d'avoir le passeport américain. Il y avait des démarches à faire, mais elles étaient très facilitées. Donc moi, mes parents étaient très âgés. J'ai décidé de rentrer, que ça ne serait pas très bon pour eux de savoir que je restais là-bas, aux États-Unis, avec mon passeport. Moi, j'ai débarqué au Havre. Alors ça a été atroce pour nous. Après avoir vécu un an aux États-Unis, avoir fait un travail passionnant, difficile, dur, il a fallu qu'on surmonte des épreuves, hein. On est arrivé en France, on était anéanti. De retrouver cette France détruite, catastrophique. Alors là, le moral était à zéro. Quand on a vu ces ruines, le Havre en ruine, hein, on a débarqué sur des quais métalliques, les dockers qui essayaient de nous piquer nos sacs, hein, notre paquetage, parce qu'ils savaient qu'on arrivait d'Amérique. On était la proie, hein. Mais on les comprend, les pauvres. Ils avaient crevé de faim pendant toute la guerre. Ils nous ont mis dans de vieux wagons de 14-18, où il n'y avait même plus de glace, où il faisait moins 10 degrés, et ils nous ont transportés ici, à Paris, à Duny. Alors, à Duny, aussi, on a été reçus dans des conditions épouvantables. Il y avait encore les cartes de ravitaillement, on n'avait rien à manger. On n'a rien d'Amérique, en plus. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on rentre, on se dit, on a fait quelque chose de formidable. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et là, malheureusement, l'armée de l'air qui était fauchée, nous dit, vous avez signé un contrat de 5 ans pour partir aux États-Unis. Yes, sir. On n'a plus d'argent. Alors, nous n'allons garder que les officiers d'active. Et puis les autres, 70%. Eh bien, on n'est pas sûr de vous garder dans votre spécialité. On n'est pas sûr de vous garder dans votre grade. Alors, comme j'étais sergent pour la plupart de mes camarades, eh bien, on s'est dit, mais alors, je vais devenir caporal et je vais plus voler. Résultat, comme on avait la possibilité de résilier notre contrat de 5 ans, 70% des gars ont résilié leur contrat. C'est ce que j'ai fait. D'abord, je ne pensais pas que l'armée allait nous foutre à la porte, parce qu'ils nous ont mis à la porte, hein, en tenant un tel langage. Hein. Et les gars qui ont quitté l'armée, ils ont bien fait. Parce que j'ai de nombreux camarades qui ont fini commandant de bord Air France. Il y en a 8 ou 10 qui ont fini sur Concorde, etc., etc. Et puis d'autres médecins, dentistes, on a fait énormément de situations diverses et réussi. Yes, they were heroes. I personally, I'm a 27-year veteran of the Air Force. Oui, ce sont des héros. Quelques-uns sont morts en formation, d'autres dans des zones de combat. Vous savez, moi je suis un vétéran de l'US Air Force. Je l'ai quitté après 27 ans de service. Je pense que toute personne qui se porte volontaire pour effectuer son service militaire est un héros. On finit toujours par sacrifier quelque chose de soi. Comme j'étais parti avec l'intention d'être pilote et que je suis revenu en ne l'étant pas, j'estimais que c'était un faux pas que j'avais accompli, une petite bretelle dans la vie qui ne valait pas la peine d'être relatée. Merci à Louis-Jean Gioux, Jean Frangos, Georges Girardet, Louis Xuereff, Bob Kane et Thierry Derouet. Archives, Aurélie Marsay. Lecture, Nathalie Canoui. Les cadets français de l'oncle Sam, un documentaire de William Irigoyen et Véronique Samouilov. Nous continuons cette série consacrée à l'histoire du ciel en nous intéressant aux météorites et en visitant l'exposition consacrée à celle-ci au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, à discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore à nous suivre sur le réseau Twitter. Et si vous voulez nous rejoindre samedi pour la journée de forum de France Culture à la Sorbonne autour du sexe et du pouvoir, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture et de la Maison de la Radio.